Le stress post-traumatique. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le stress post-traumatique apparaît chez une personne lorsqu'elle n'est pas capable d'assumer un événement choc qui survient dans sa vie. Il est issu d'une situation de son quotidien qui la déstabilise et qui choque son ego parce qu'elle ne correspond pas à des désirs personnels qu'elle entretient. Par exemple, quelqu'un qui s'avère victime d'un accident automobile grave ou impliqué dans une fusillade est susceptible d'en vivre. Si la personne vivant une situation traumatique n'est pas en mesure de laisser circuler l'énergie dans son mental par rapport aux idées se rapportant à l'événement qui émerge lorsqu'il survient et après, elle peut avoir tendance à les réfléchir et à les colorer d'émotions. Elle subit alors la mémoire de l'événement au lieu d'en être libre instantanément. Par contre, si sa conscience était en permanence, en contact avec la vibration mentale, de nature créative et fluide, qui est plus élevée que celle astrale, ayant rapport à la mémoire de l'événement, elle ne laisserait pas cette dernière la perturber. Toutefois, tant que la personne ressent des émotions lorsqu'elle reçoit des pensées d'une entité en rapport à un événement traumatisant, elle est décentrée et en contact avec le plan astral plutôt que celui mental. Elle est alors sous l'influence de cette entité qui l'amène à ressentir des émotions, la liant au plan astral, même si elle ne le désire pas consciemment, parce que n'étant pas capable de s'élever vibratoirement suffisamment pour la contester et ressentir une vibration mentale à la place. Cette entité peut agir ainsi parce qu'elle se nourrit de l'énergie issue des émotions que la personne produit. Les émotions sont du carburant énergétique pour certaines entités, au même titre que de l'essence pour une automobile. Ce qui crée le stress post-traumatique suite à un événement choc, c'est le fait que la personne reçoit régulièrement des idées se rapportant à cet événement qui l'amène à réagir émotivement, étant donné qu'elle les réfléchit de manière polarisée en relation avec l'orgueil qui colore son ego, soit sa subjectivité, qui est générée par l'influence d'entités astrales. Cela s'explique parce que, dans ce cas, elle n'est pas en mesure d'intégrer directement la charge énergétique se rapportant à ses pensées. Tant que l'ego s'appuie sur des formes pour fonctionner, il est ébranlable. Lorsqu'il ne s'appuie plus sur elle et vit avec la vibration mentale, il ne peut pas être déstabilisé par d'autres formes qui sont opposées à celles auxquelles il se liait, pour des raisons d'incapacité de composer psychiquement avec le vide de forme qui peut être vécu au-delà du plan astral. Si la personne est libre des formes pensées et qu'elle ne les réfléchit pas, elle ne vit pas de stress post-traumatique. Donc, son ego ne peut pas être choqué par des pensées. Il est stable et neutre. Cet individu s'avère alors en mesure d'avoir un mental vide de formes pensées qui lui permet d'intégrer d'une manière immédiate l'événement sans être décentré par lui. Le jour que la personne ne donne plus le pouvoir à des idées de l'ébranler, elle ne souffre plus de pensées qui autrefois pouvaient lui occasionner un stress post-traumatique. Par contre, cela demande une force de volonté très grande qui est le résultat de la canalisation d'une énergie mentale plus élevée que celle astrale qui peut l'amener à vibrer à l'émotion en relation avec ses idées. Donc, soit la personne vibre avec le plan mental en intégrant totalement la charge énergétique de ses formes pensées, ou vibre avec le plan astral en n'étant pas capable de le faire. Aussi, pour vibrer en harmonie avec le plan mental, elle doit être suffisamment stable dans l'ego pour assumer totalement l'événement qui l'a traumatisé sans chercher à le déformer. Donc, la personne consciente neutralise l'impact de pensée sur sa psyché qui pourrait occasionner du stress post-traumatique, se traduisant par le vécu d'émotions douloureuses et des problèmes d'insomnie. De plus, Elle n'est plus influençable par l'entité qui cherchait autrefois à l'amener à vibrer émotivement à partir d'idées. Plus la personne est attachée à des éléments qui la relient psychiquement à des formes astrales, croyances, valeurs, désirs et conditionnements sociaux, et plus elle s'avère susceptible de souffrir d'événements qui vont remettre en question ces éléments. Plus elle s'appuie sur du matériel mémoriel dans sa vie pour se sécuriser, soit des formes, et plus elle va être ébranlée facilement par des événements chocs qui sont porteurs d'une vibration qui les remet en question. Plus la personne croit être aux commandes dans sa vie, en nourrissant un ego s'évaluant en puissance, et plus l'événement choc risque de l'ébranler dans cette illusion et l'amener à réaliser que ce n'est pas elle qui est au contrôle de son existence. Dans certains cas, elle prend alors conscience de l'existence d'entités du plan mental qui orchestrent des événements et communiquent avec elle. De plus, l'événement peut servir à la libérer de certaines formes et croyances pour qu'elle soit davantage en contact avec le réel. Plus la personne est orgueilleuse, émotive et en proie à l'insécurité psychologique, et plus elle va avoir de la difficulté à composer avec des événements traumatiques. Plus elle s'expose à connaître du stress post-traumatique se rapportant à des événements chocs et à vivre un état psychologique de refus d'intégration de l'événement, soit du déni. Plus la personne a un ego qui est instable et plus cela va prendre du temps en proportion pour intégrer un événement traumatique qui ne fait pas l'affaire de son ego. Par contre, plus la personne se conscientise et plus elle est stable dans le mental et plus elle est en mesure d'assumer rapidement les événements chocs qui peuvent arriver dans son existence sans les réfléchir et se créer un surplus de souffrance psychologique se rapportant à eux. Elle se libère alors de la forme à mesure que sa capacité d'assumer le réel augmente. Voilà ce qui termine la lecture de l'article qui s'intitule « Le stress post-traumatique » que vous pouvez lire en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement.